Chapitre 9. Méditer sur la sublime création d'Allah Ta'ala, sur le caractère éphémère de la vie, les affres du jour dernier et la faiblesse de l'âme qu'il faut corriger et redresser. Allah Ta'ala a dit: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolamment et qu'ensuite vous réfléchissiez. Sourate 34, verset 46. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Sourate 3, verset 190-191. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es là que pour rappeler. Sourate 88, verset 17-21. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir? Sourate 47, verset 10. Les versets du Coran concernant ce chapitre sont nombreux. Quant aux traditions prophétiques, il y a le hadith précédemment cité, numéro 66, « L'homme raisonnable est celui qui demande des comptes à lui-même ».